Les gars du bâtiment ont le métier dans le sang. C'est les rois de l'embrouille, des magouilles et de la débrouille. Le crayon sur l'oreille, un petit penchant pour l'oseille. Une blouse maculée de taches et une paire de moustaches. Polo le menuisier avec soin bichonne sa scie sauteuse. Et Tony le maçon albéguin pour Liliane la tapisseuse. Les gars du bâtiment ont la tchatche dans le sang, comme les vendeurs de télé, mais en bleu pour faire plus vrai. Toujours la même tactique, ils vous noient sous la technique. Ils sont autant mercantiles qu'un commercial chez Darty. Aziz l'électricien est ravi de sa carrière prometteuse, tandis que le beau Tony est épris de Liliane la tapisseuse. Le casse-croûte de midi, corporatisme sacré, partage tous les marchés.